sommes gouvernés par derrière les gens qui sont là. Vous savez, il y a ce qui est visible, le gouvernement visible, si on peut dire, c'est-à-dire les gens sont devant un rideau. Puis il y a derrière le rideau, c'est gouverner derrière un rideau, c'est une vieille expression, c'est dans le temps de l'impératrice Tiwi, là, qui est. Ah non, maudit chat. Donc, bon, eux autres, l'affaire, c'est que, ben, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est du darwinisme social. Puis, voyons, je perds le fil à cause de ce maudit chat. Je vais finir par m'étonner. Il est où le chat? Il est derrière la porte, mais c'est des portes en carton. Donc, bon, au niveau d'un darwinisme social, des gens qui veulent qu'il y ait une sélection, puis bon, ils vont souvent prétendre vouloir aider les gens, alors qu'au fond, mais eux autres, c'est tout le temps le progressisme. C'est-à-dire que on vous met une arme chargée dans la main, puis on va. Bon. C'est ça le progressisme.